Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Faut-il un ministère de la culture ? Certains posent la question crûment, même si en France, la réponse a été à nouveau récemment donnée par la nomination de Françoise Nyssen à ce poste. On note au passage que le ministère de la culture, s'il n'a pas changé d'attribution dans les textes, a changé d'intitulé. Il s'appelait culture et communication, il s'appelle culture. Cela signifie-t-il que l'on s'occupera désormais davantage de culture que de communication ? Ce ne serait pas un mal. Retour aux sources. Quelle source ? Le ministère de la Culture a été créé le 3 février 1959 par le général de Gaulle, premier président de la Ve République. Il confie le poste à André Malraux, le nomme ministre d'État et sera numéro 2 du gouvernement juste après le premier ministre. Il le restera jusqu'au départ du général de Gaulle après le référendum perdu de 1969. On a longuement discuté de la réforme de nos institutions, mais tous les jugeaient mauvaises. Il n'est donc pas question de les maintenir, mais bien de commencer la transformation de la France et de ses institutions en nation et en institution du XXe siècle. La France paralytique veut marcher, non donner une forme de plus à sa paralysie. Si l'existence d'un ministère de la Culture fait débat, c'est qu'elle n'est pas une activité comme les autres. Pour les pays anglo-saxons, c'est d'abord une activité commerciale et une affaire privée. Le choix de ses lectures, de ses distractions musicales, cinématographiques, de ses pièces de théâtre appartiennent à la liberté de chacun. Oui, mais comment précisément assurer à chacun l'accès à la culture ? Les libéraux répondent que le marché fournit des biens culturels dont les consommateurs ont besoin. Les créateurs, peintres, écrivains, cinéastes peuvent-ils se faire connaître s'ils n'ont pas accès à ce marché ? C'est pour cette raison que peu à peu, des règles sont apparues pour protéger, encourager les uns à créer et les autres à connaître ses œuvres. La France a donc confié à l'État la responsabilité d'élaborer lois et décrets et de créer un ministère de la Culture. Elle n'est pas une marchandise comme les autres, le marché doit être régulé. Nous avons vu que François Ier fixe des règles pour l'usage de la langue française, encourage les artistes. Louis XIII et Louis XIV créent des manufactures royales, leurs commandes permettent aux artistes de vivre, même si c'est d'abord pour servir la renommée du roi. La Révolution légifère pour donner aux citoyens l'accès aux musées qu'elle organise, et Condorcet, comme Vivant Denon et d'autres, considèrent que l'accès à la culture fait partie de l'instruction publique. Les mots ne sont pas encore là, mais l'idée est déjà là. Elle se développe au XIXe siècle, qui crée progressivement une administration des beaux-arts, protège le patrimoine, avec Prosper Mérimée, qui ne se contente pas d'être écrivain, mais s'acharne à protéger les monuments bien menacés par les destructions révolutionnaires, puis les marchands de biens. Finalement, c'est une administration sous forme de secrétariat d'État aux Beaux-Arts qui s'impose sous la Troisième République et la Quatrième jusqu'à De Gaulle, qui crée le ministère de la Culture, axe fort de son gouvernement. Chargé de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français et d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création d'œuvres d'art et de l'esprit qui l'enrichissent. J'ai cité le texte du décret constitutif. Le problème de la culture, il est tout de même assez clair. Ou bien vous voulez une culture pour tout le monde, ou bien vous voulez une culture pour chacun. C'est pas du tout pareil. Mais il faut vouloir l'un ou l'autre. Sinon, alors c'est accepter simplement de ne rien faire, de laisser les choses en l'état, et on sait qu'elles ne marchent pas très bien toutes seules. L'affaire s'est compliquée aujourd'hui. Le rôle de l'État n'est pas remis en cause, mais les moyens sont plus limités. D'autres intervenants sont apparus. Les collectivités locales en premier lieu, les mairies, les départements, les régions, les métropoles. Comment articuler leur action et celle de l'État ? Les partenaires privés, mécènes utiles mais parfois encombrants, permettent aussi de soutenir l'offre culturelle. Mais le service public de la culture disparaît parfois sous cette profusion d'intervenants qui n'ont pas tous le même rôle ni les mêmes intérêts. L'enjeu aujourd'hui est de rappeler que s'il y a heureusement des industries culturelles, la culture est d'abord un ensemble d'activités artistiques. La culture est un art avant d'être une industrie. La réduction des inégalités, l'accès aux connaissances, l'épanouissement de la personnalité de chacun doivent plus que jamais être défendus par l'État, par le ministère de la Culture, garant dans notre démocratie de l'intérêt général.